cavaliere detestable. Arrivo les bois. Arrivo les bois. Risalo. Risalo. Et que les plus fourrules sous la table. Et que les plus fourrules sous la table. Et que non pas bonne, tire le lèvre, tire le lèvre. C'est vrai qu'on la somme, tire le lèvre, tire le lèvre. C'est que la moindre. Thank you.